Deuxième livre des Rois, chapitre 6. Or les fils des prophètes dirent à Élisée, voici maintenant, le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons-nous-en maintenant jusqu'au Jourdain, et nous prendrons de là chacun de nous une pièce de bois, et nous ferons là un lieu pour y demeurer, et il répondit, allez. Et l'un d'eux dit, je te prie qu'il te plaise de venir avec tes serviteurs, et il répondit, j'irai. Il s'en alla donc avec eux, et ils allèrent au Jourdain, et ils coupèrent du bois. Mais il arriva que comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, le fer de sa cognée tomba dans l'eau, et il s'écria, et dit, hélas mon Seigneur, encore est-il emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé, et il lui montra l'endroit, alors Élisée coupa un morceau de bois, et le jeta là, et il fit nager le fer par-dessus. Et il dit, lève-le, et cet homme étendit sa main, et le prit. Or le roi de Syrie faisant la guerre à Israël, tenait conseil avec ses serviteurs, et disait, en un tel et un tel lieu sera mon camp. Et l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël, donne-toi de garde de passer en ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu que lui disait l'homme de Dieu, et il y pourvoyait, et était sur ses gardes, ce qu'il fit plusieurs fois. Et le cœur du roi de Syrie en fut troublé, et il appela ses serviteurs, et leur dit, ne me découvrirez-vous pas qui est celui des nôtres, qui envoie vers le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs lui dit, il n'y en a point, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches. Et il dit, allez, et voyez où il est, afin que j'envoie pour le prendre, et on lui rapporta, en disant, le voilà à deux temps. Et il envoya là des chevaux, et des chariots, et de grandes troupes, qui vinrent de nuit, et qui environnèrent la ville. Or le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin, et sortit, et voici des troupes, et des chevaux, et des chariots qui environnaient la ville, et le serviteur de l'homme de Dieu lui dit, hélas mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée donc pria, et dit, je te prie, ô Éternel, ouvre ses yeux, afin qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux, et de chariots de feu autour d'Élisée. Puis les Syriens descendirent vers Élisée, et il pria l'Éternel, et dit, je te prie, frappe ces gens d'éblouissement, et Dieu les frappa d'éblouissement, selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville, venez après moi, et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez, et il les mena à Samarie. Et il arriva que sitôt qu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, ô Éternel ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent, et voici ils étaient au milieu de Samarie. Et dès que le roi d'Israël les eut vus, il dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Et il répondit, tu ne frapperas point, frapperais-tu de ton épée et de ton arc, ceux que tu aurais pris prisonniers, mais, au contraire, du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangent et boivent, et qu'après cela ils s'en aillent vers leur seigneur. Et il leur fit grand chair, et ils mangèrent et burent, puis il les laissa aller, et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Depuis ce temps-là les partis de Syrie, ne revinrent plus au pays d'Israël. Mais il arriva, après ces choses que Ben-Hadad roi de Syrie, assembla toute son armée, et monta, et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie, car voilà, ils l'assiégèrent si longtemps, que la tête d'un âne se vendait 80 pièces d'argent, et la quatrième partie d'un cas de fiente de pigeon, 5 pièces d'argent. Or il arriva que comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria, en disant, « Ô roi mon Seigneur, délivre-moi. » Et il répondit, « Puisque l'Éternel ne te délivre point, comment te délivrerai-je? Serait-ce de l'air ou de la cuve? » Il lui dit encore, « Qu'as-tu? » Et elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, et mangeons-le aujourd'hui, et nous mangerons mon fils demain. » Ainsi nous avons bouilli mon fils, et l'avons mangé, et le jour d'après je lui ai dit, « Donne ton fils, et mangeons-le, mais elle a caché son fils. » Or dès que le roi eut entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, or il passait alors sur la muraille, ce que le peuple vit, et voilà il avait un sac sur sa chair en dedans. C'est pourquoi le roi dit, « Dieu me fasse ainsi, Et ainsi il y ajoute, si aujourd'hui la tête d'Élisée fils de Sapha demeure sur lui. Et Élisée étant assis dans sa maison, et les anciens étant assis avec lui, le roi envoya un homme de sa part, mais avant que le messager fût venu à Élisée, Élisée dit aux anciens, ne voyez-vous pas que le fils de ce meurtrier-là, a envoyé ici pour m'ôter la tête? Prenez garde, sitôt que le messager sera entré, de fermer la porte, et de l'arrêter à la porte, n'entendez-vous pas le bruit des pieds de son maître qui vient après lui? Et comme il parlait encore avec eux, voici le messager descendit vers lui, et le roi dit, voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'attendrai-je plus de l'Éternel ?